Chapitre 3e. Il faisait une belle nuit d'Espagne, une de ces nuits enivrantes qui ont pour fanal un mystérieux clair de lune, et pour harmonie une douce brise qui balance les arbres et secoue mollement les parfums des fleurs. Le calme et l'espérance étaient partout. Dans le lointain, on entendait la voix sourde et grandiose du Guadalquivir, toute pareille à un roulement lent de tambour. À cette voix, se mêlaient de temps à autre les trépignements légers des ruisseaux à travers le caillouteage, l'insaisissable murmure des oiseaux endormis et le frétillement à peine sensible des feuilles. Tout cela se croisait, se confondait dans l'air et formait un concert sublime que les cris du hibou venaient seuls interrompre. Alors, si un pâtre eût traversé la montagne à l'endroit de la vieille croix noire, il eût pu voir une jeune fille pâle et belle et un jeune homme, les spingoles au bras, qui s'y tenait agenouillé dans le recueillement de la prière. La jeune fille, c'était Margarita. Le jeune homme, c'était Antonio, l'étudiant de Valence. Ce n'était plus le simple écolier, à la parole fougueuse et emportée. Il y avait quelque chose de l'aigle dans son regard. De longues rides passaient quelquefois sur son large front, comme si une pensée profonde couvait dans son cerveau. Il se leva le premier, plaça sur sa tête une espèce de toque noire qu'il avait tenue la main pendant la prière, regarda la jeune Andalouse qui priait toujours et attendit. Il y avait alors, dans sa manière de regarder et d'attendre, quelque chose de triste qui vous eût tiré des larmes. On eût dit, à le voir, qu'il se passait dans son âme une lutte terrible entre la crainte et l'espérance. « Le vaudra-t-elle ? » se disait-il parfois. « Consentira-t-elle à échanger son bonheur et sa tranquillité de la vallée contre la vie errante d'un chef de partisan, d'un guerrier héros que la mort peut atteindre à tout instant ?» Oh, pourtant, il faut qu'elle me suive tout à fait. Depuis 5 mois, je souffre trop de ne la voir qu'au milieu des transes et entourée d'ennemis qui me poursuivent, mon Dieu. Et son front s'assombrissait de plus en plus, et il se tenait fixe, examinant la jeune fille, Margarita, enfin leva les yeux. « Antonio, » dit-elle à voix basse. Celui-ci, qui, en la contemplant, était tombé comme un extase, s'écria « Margarita, mon ange !» Et les deux jeunes gens se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Il y eut alors de longs baisers et de puissantes étreintes que les anges virent et entendirent seuls. Puis Antonin dit avec tristesse « Margarita, voilà bientôt le moment où il va falloir nous séparer. Le jour approche, je vais te quitter pour m'en retourner seul vers mes compagnons qui m'attendent. Seul, comprends-tu, et le cœur tout pleurant, car je ne t'aurai plus sous les yeux. C'est affreux. » Et sa main passait et repassait sur son front, comme pour en effacer les plis, et la jeune fille, l'entourant de ses bras, cherchait à deviner sa pensée dans son regard. « Parle, Antonio, » lui disait-elle, « je ne veux pas que tu sois triste. Si tu souffres, mon cœur a le droit de partager ta souffrance. » Antonio gardait le silence. La jeune fille devenait plus pressante. Enfin, après un violent effort, « Margarita, tu te rappelles le jour où je fis pour la première fois ta rencontre? Ce fut dans une de mes excursions avec mes frères d'armes. Tu étais ici, près de cette croix, tu priais pour ta mère. Ma pensée, dès ce moment, mes jours, mon avenir, tout fut à toi. Je revins au même lieu. Tu y étais encore. Je m'approchais. Je te demandais la faveur d'un regard, d'une parole. Tu voulais bien m'aimer. Eh bien, depuis ce temps, Margarita, tous les jours passés loin de toi, m'ont paru une torture, un enfer. De pareilles souffrances me font peur. Il faut que tu m'en délivres. Veux-tu me suivre, Margarita, pour ne plus nous quitter ?» Margarita demeura un moment interdite à ces paroles, les yeux fixés sur la vieille croix noire, comme pour lui demander conseil. Tout à coup, un bruit rauque et prolongé retentit au loin dans le silence de la montagne. L'Andalouse tressaille et ne répond rien. « Eh bien ?» reprend Antonio d'une voix forte. « Que décides-tu, Margarita ? Ce coup de feu que tu viens d'entendre, c'est un signal convenu entre moi et les miens pour m'avertir de l'approche des Cristinos. Que décides-tu, encore une fois, nous n'avons pas de temps à perdre. » En disant ces mots, il enlève la jeune fille par la taille, et franchissant les rochers avec la rapidité du chamois, il arrive au pied de la montagne, derrière une large roche grise formant enceinte. Un cheval l'attend prêt à partir. Il y dépose son précieux fardeau, s'élance en croupe et disparaît au galop. Le lendemain de cette nuit, bien des pleurs furent répandus dans la vallée. Les petits enfants entouraient la maisonnette de Margarita en demandant au bon Dieu qu'il leur rendît leur petite sœur. Les femmes se lamentaient comme si on eût enlevé leur fille bien-aimée. Les jeunes garçons étaient sombres, silencieux, se disant les uns aux autres « Qu'est-elle devenue ?» Pendant plusieurs journées d'une pénible attente, on parcourut la montagne dans ses plus secrets détours. Vaines recherches. Un mois, deux mois s'écoulèrent, pas de nouvelles. On se persuada alors qu'elle avait été victime de quelque bête féroce. Les jeunes filles prirent le deuil. Du reste, rien de nouveau dans la vallée. On se racontait seulement que les Christinos s'étaient montrés à plusieurs reprises dans le pays et que dans la province de Murcie, deux ou trois combats sans résultat avaient lieu entre eux et une troupe de partisans qui, disait-on, avait établi son séjour dans les montagnes de la Sierra Morena.